trop longtemps que le spire pas là encore. Pas quand même, il fait songer la vie comme il nous rend. Tout ça pas normal, pas quand on t'y ballon. Essayez de retrouver confiance, coupez well. Sortions ça, oubliez ça, cherchez à retrouver confiance. Plus souvent, ou qu'arrêter en silence, l'essayer de placer des mots, tout ça pas ni sens. Ou venez parano, on pense c'est mal y'a faire, ou même pas qu'à du corps comme ça, y'a pas normal. Sortir ça, oublier ça, chercher à retrouver quand. Vivant d'harmonie.